Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 9 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Alix. Le dicton nous dit en janvier, le paysage n'a rien. Dans les célébrations, c'est la journée mondiale de la Corse, pas d'événements marquants qui se sont déroulés un 9 janvier. On va donc passer la parole à Chris qui nous parle du don du sang du mois de janvier et d'ailleurs il a fait un post sur notre page Facebook concernant le don du sang, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. On écoute tout de suite Chris. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM. C'est Chris. Tout d'abord, il est important de savoir que le contexte actuel est celui d'une augmentation constante des besoins en produits sanguins avec une progression de l'ordre de 2 à 4% par an. Et depuis 2004, les exigences d'une médecine dont les techniques ne cessent de progresser et l'allongement de la durée de vie de nos concitoyens expliquent cette situation. Il est donc de notre responsabilité collective de se donner les moyens de répondre à cette exigence et pour se donner les moyens de répondre à cette exigence, il est très important d'aller donner son sang et c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui le programme des journées du sang organisé par les équipes mobiles de l'établissement français du sang Lorraine-Champagne pour le mois de janvier 2020 dans notre département. Le vendredi 10 janvier à Plombières-les-Bains, à la salle Claude et Deux-Augustins, située à l'adresse 6 rue Griot, de 16h à 19h30. Le mercredi 22 janvier, à Remiremont, au grand salon de l'hôtel de ville, situé à l'adresse 1 place de l'Abbaye, de 8h30 à midi et de 15h30 à 19h30. Le lundi 27 janvier, à Le Tillot, à la salle polyvalente, située à l'adresse 11 bis avenue de Verdun, de 16h à 19h30. Je le rappelle une dernière fois, il est très important d'aller donner son sang, car vos dons, nos dons, pourraient permettre de sauver des dizaines et des dizaines de vies. Donc n'hésitez surtout pas. Merci Chris, voilà donc pour le don du sang et je vais vous parler des championnats de France de pizza. Et oui, on a reçu un communiqué de presse là-dessus, ça aura lieu fin mars à Paris. C'est un rendez-vous incontournable, il y a 150 participants et si je vous en parle, eh bien c'est parce qu'il y a un Vosgien qui est qualifié donc pour ce championnat de France de pizza. Il s'agit de Julien Richard de Golbey. Donc on va suivre ce championnat eh bien d'un petit peu plus près. Allez, tout de suite, première pause musicale avec la chanteuse Bibi et son titre tout simplement Tout doucement. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'attitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. Tout simplement, arrêtez les minutes supplémentaires qui font de ma vie un enfer. Je l'aime encore, mais plus vraiment. Tout doucement, sorti de ses draps et de son cœur. Tout doucement, sans faire de bruit pour pas qu'il pleure. Tout simplement, changer de peau, oublier toutes les avant. Fermer les yeux, se sentir de nouveau. Autrement, oh, tout simplement, permettre pour cause un sentiment différent. Reviendrait peut-être un jour, un mois, un an, dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, oh, tout simplement, permettre pour cause un sentiment différent. Dans mon cœur, dans ma tête, changer tout vraiment. Curieusement, les aiguilles, tous mes seins ne sont pas celles du temps qui passe, reste en silence quand on debut en serre. C'est pas vraiment la solitude, mais c'est la certitude d'un sentiment. indépendant de son attitude. Tout simplement, fermé pour cause et sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête, changer tout vraiment. Tout simplement, choisis un nouveau livre d'images. Tout doucement, réapprendre à aimer passionnément. Tout simplement, une autre histoire dans un monde différent. Tout simplement, fermé pour poser des sentiments différents. Dans son cœur, dans sa tête. Si encore il m'attend, tout simplement, fermé pour cause des sentiments différents. Tout simplement, fermé pour cause un panthère. Dans son cœur, dans sa tête. Bibi, tout simplement, tout doucement sur RJM. Presque 8h38, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 9 janvier et on va rester en musique puisqu'en 1944, c'était la naissance de Jimmy Page, musicien britannique, guitariste du groupe Led Zeppelin, et on écoute tout de suite un extrait de leur titre « Cashmere ». Voilà pour l'extrait des Led Zeppelin. On reste encore en musique avec en 1951 la naissance de Crystal Gayle, chanteuse américaine connue pour le titre « Don't It Make My Brown Eyes Blue » dont on écoute tout de suite un extrait. Don't know where I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone, and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue. Voilà pour la chanteuse Crystal Gayle. Allez, on continue les anniversaires. 1955, naissance de Jonathan Gimbel Simons, acteur américain, connu pour son rôle de J. Jonah Jameson dans Spider-Man 1, 2 et 3, vu dans le film Jobs, Whiplash dans le rôle de Terence Fletcher, récompensé de l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, Terminator Genesis, Justice League dans le rôle du commissaire James Gordon, la série télé Oz dans le rôle de Vernon Schillinger, New York Police Judiciaire dans le rôle du docteur Emile Skoda, ainsi que dans quelques épisodes de New York Unité Spéciale et dans The Closer dans le rôle du chef Will Pope. 1956, naissance d'Imelda Staunton, actrice britannique vue dans Raison et Sentiment dans le rôle de Charlotte Palmer, Shakespeare in Love, Harry Potter et l'Ordre du Phénix ainsi que Harry Potter et les Reliques de la Mort première partie dans le rôle de Dolores Umbridge, Alice au Pays des Merveilles, Maléfique 1 et 2 dans le rôle d'Hortense, l'année dernière dans le film Downton Abbey dans le rôle de Lady Bagshaw. 1957, naissance de Bibi, chanteuse ghanéenne. 1965, naissance de Valérie Garnier, basketteuse puis entraîneuse française qui depuis août 2013 précisément, est l'entraîneuse de l'équipe de France féminine. C'est également l'année de naissance de Joëlie Richardson, actrice britannique, connue pour son rôle d'Anita dans le film Les 101 Dalmatiens, vue dans The Patriot, Le chemin de la liberté dans le rôle de Charlotte Selton, Millennium, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes dans le rôle d'Anita Venger, et la série télé Nip Tuck dans le rôle de Julia McNamara. 1970, naissance de Lara Fabian, chanteuse belge. 1973, naissance de Sean Paul, chanteur jamaïcain. 1978, naissance d'Alexander James McLean, chanteur américain des Backstreet Boys. Petit retour en arrière avec un petit extrait de leur titre « Everybody ». Voilà pour l'extrait des Backstreet Boys. Allez, on continue les anniversaires avec en 1982 la naissance de Catherine Middleton, princesse royale britannique, épouse du prince William, duc de Cambridge. Et d'ailleurs, on entend parler de la famille royale britannique depuis un moment, mais surtout depuis hier soir après l'annonce du prince Harry de son souhait de se retirer de ses obligations royales. 1987, naissance de Paolo Nutini, chanteur britannique, dont on écoute tout de suite un extrait de son titre Candy. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll leave your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Voilà pour l'extrait de Paolo Nutini. Allez, on a presque fini les anniversaires. 1989, naissance de Nina Dobrev, actrice bulgaro-canadienne, vue au cinéma dans Triple X Reactivated dans le rôle de Becky Cleridge. L'année dernière, dans Lucky Day dans le rôle de Chloé. Elle sera prochainement à l'affiche du film Sick Girl où elle est également productrice exécutive. Mais on la connaît surtout pour ses rôles dans les séries télé Degrassi, la nouvelle génération, dans le rôle de Mia Jones, mais surtout son rôle d'Elena Gilbert dans la série Vampire Diaries où elle a incarné également les rôles de Catherine Pierce, Amara Petrova et Tatia Petrova, et celui-ci c'était dans la série The Originals. Et d'ailleurs Nina Dobrev qui sur son compte Instagram pour son anniversaire a souhaité bien une seule chose, faire un don pour l'Australie avec les feux qu'il y a en ce moment en Australie, notamment pour sauver les animaux. 1995, naissance de Nicola Peltz, actrice américaine, vue dans Le Dernier Maître de l'Air dans le rôle de Katara, et Transformers, L'Âge de l'Extinction dans le rôle de Tessa Yeager. Allez, tout de suite, on s'écoute Lara Fabian avec son titre « Tout ». Tout ce qui nous unit, tout ce qui nous détruit au corps est à présent fini. Tous ces moments incompris, ces instants indécis s'écrivent. D'être entre autres les plus forts, les plus fous. Nous n'avions rien à prouver, nous n'avions rien à gâcher, sauf notre liberté. Nous, on n'a rien vu passer. Rien vu se déchirer, pas même la force de ces années. Nous, on a joué le tout pour le tout. On s'est dit on s'en fout, on a l'univers rien qu'à nous. On a rester ou même me rendre, que le ciel là-haut dira non. Tout de Lara Fabian sur le 107 FM, un peu plus de 8h51, on fait un point météo. La météo. Ce sera une journée nuageuse avec peut-être quelques éclaircies, des températures comprises entre 8 et 9 degrés ce matin, entre 9 et 11 degrés pour cet après-midi. Vendredi, ce sera de la pluie, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés prévus pour demain après-midi. Samedi, des éclaircies, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 4 et 5 degrés prévus pour samedi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Volley tournoi de qualification olympique, la France affrontait hier soir les Pays-Bas. Les Français ont remporté les deux premiers sets, ce qui leur a permis de se qualifier pour les demi-finales. Et bien au final, la France s'est inclinée 3-7-2. La demi-finale aura lieu cet après-midi à 16h45 et ce sera contre la Slovénie. Un mot de tennis avec l'ATP Cup et c'est fini pour la France après sa défaite 2-1 hier face à l'Afrique du Sud. À Doha, élimination hier de Joe Wilfried Tsonga en 2-7 face à Kekmanovic, 7-6 et 6-1. Herbert s'est qualifié en 2-7 face à Djerez, 6-1, 6-3. Et à noter la très belle performance de Corentin Moutet qui s'est imposé en 2-7 face à Milos Raonic, tête de série numéro 4 du tournoi, 7-6, 7-6. Aujourd'hui, Herbert affrontera Rublev et Moutet sera opposé à Verdasco. À noter qu'à Auckland, pas de Français sur les cours aujourd'hui. En ski, le slalom de Madonna di Campiglio, Clément Noël a terminé 3e. Un mot de basket avec la NBA, les résultats de cette nuit. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum s'est inclinée après prolongation face à Toronto. À noter que le Français n'a encore pas joué lors de cette rencontre. Il y avait deux duels franco-français. Tout d'abord, l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier affrontait l'équipe de Washington de Miami. C'est Orlando qui s'est imposé 123 à 89. 19 points pour Evan Fournier, 2 points pour Miami. Et l'Utah Jazz de Rudy Gobert affrontait les Knicks de New York de Tilikina. Et c'est l'Utah qui s'est imposé 128 à 104 pour Rudy Gobert, 16 points et 16 rebonds. Pour Tilikina, 16 points, 4 rebonds. Et on termine avec du biathlon, c'est la reprise à Oberhof. On commence cet après-midi à 14h30 avec le sprint féminin. Et ce sera la Russe Mironova qui lancera les hostilités. La première Française à s'élancer, ce sera Julia Simon avec le dossard 8. Anaïs Besco aura le dossard 34. Justine Brezaz le 36, Célia Aymonier le 49, Dossard 61 pour Chloé Chevalier et le 89 sur les épaules de Caroline Colombo. Elles seront 102 à partir. On suivra le Dossard 13 de Terry Lekoff, le 15 de Lisa Vitozzi, le 16 de Roiseland, le 19 de Mike Aranen, le 21 d'Anna Heuberg, le 24 de Dorothea Wierer ou encore le 37 de Tandrevold. Et c'est tout pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Sean Paul, et son titre She Does Not Mine. Said the track on it. Two more shots, now we in a hot panic. Two girl and them ready for jump on it. True to my word, I'm ready for thump on it. Ready for run on it, ready for dunk on it. Tag team in for your truck, we pump on it. Hands up high, we burning up the sky. We got the dance all crazy, got the club on fire. I like the way you dance, you got me in a trance. My baby, she don't mind at all. Girl, I got you so high, and I know you like. So come on. She doesn't mind, I, she doesn't mind, I, she doesn't mind.